Ah, te l'aura pas, la débraillado. Ah, te l'aura pas, timpatsara. Ah, te l'aura pas, la débraillado. Ah, te l'aura pas, timpatsara. Qu'est bien fâche qui t'arrive, qu'est bien fâche qui t'arrive, t'voulais tordre le milieu et t'impatsara. Qu'est bien fâche qui t'arrive, qu'est bien fâche qui t'arrive, t'voulais tordre le milieu et t'impatsara. Te la verra plus, la verra plus ton ami Zano. Te la verra plus la lie plus. Te la verra plus ton ami Zano. Te la verra plus la lie plus. Qu'est bien fâche qui t'arrive, qu'est bien fâche qui t'arrive, t'voulais tordre le milieu et t'impatsara. Qu'est bien fâche qui t'arrive, qu'est bien fâche qui t'arrive, t'voulais tordre le milieu et t'impatsara.